Enseigner vous attire ? En France, il manque des enseignants, surtout dans les quartiers prioritaires. Conséquence, ce sont les élèves les moins favorisés qui ont le plus de risques de ne pas avoir de professeur. En matière d'égalité des chances, c'est une catastrophe. Enseigner vous attire ? L'association Le Choix de l'École vous forme pendant vos deux premières années comme enseignant en quartier prioritaire. Rendez-vous sur lechoixdelecole.org. Lorsqu'on pense réchauffement climatique et gaz à effet de serre, on pense avant tout et essentiellement au dioxyde de carbone, le CO2. On pense moins à tort au CH4, le méthane. Et pourtant, le méthane, s'il reste nettement moins longtemps dans l'atmosphère, a un pouvoir d'effet de serre autrement plus puissant que le CO2 jusqu'à près de 30 fois. Et le méthane, produit en grande partie par les activités humaines, dont l'élevage intensif de bovins, a vu ses quantités s'envoler depuis l'année 2007, sans d'ailleurs que l'on comprenne bien pourquoi. Or, il serait a priori facile, peu coûteux et rapide de diminuer largement nos émissions. Qu'attendons-nous ? Méthane, oh la vache, c'est le programme réchauffé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout donc comprendre à ce gaz comment on l'émet, ce qu'il fait à la planète et comment on pourrait donc éventuellement en réduire drastiquement les émissions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marielle Sonnois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université de Versailles-Saint-Quentin, chercheuse également au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSCE, et vous coordonnez le bilan mondial du méthane, qui est une initiative du Global Carbon Project. Et Thomas Lovo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous ici en studio. Vous êtes vous aussi chercheur CNRS au LSCE. Mais on commence, eh bien, par un tour complet de l'actualité des sciences du jour. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et cette étude parue dans la revue Earth Science Reviews est la découverte d'un ancien continent oublié, la Balkanatolie. Oui, alors il y a 6 ans, en Anatolie, des paléontologues ont découvert sur certains sites et dans les collections une faune très bizarre. Des fossiles de mammifères vieux de 50 à 40 millions d'années, uniques, et qui ne ressemblaient pas du tout aux mammifères des zones environnantes, ni en Europe, ni en Asie. Une équipe française a donc été invitée à reconstituer la géographie de cette zone pour essayer de démêler la biogéographie, l'histoire des espèces sur ce territoire. Donc à partir d'un grand travail de datation de fossiles et de plusieurs découvertes, les chercheurs viennent de mettre à jour l'existence d'une province inconnue jusqu'alors, un continent séparé de l'Europe et de l'Asie en termes de faune, et qu'ils ont baptisé Balkanatolie, parce qu'il est à cheval sur les Balkans et l'Anatolie. Cette découverte nous permet de mieux comprendre l'évolution des mammifères à la fin de l'Éocène. Alexis Litch est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire CEREG de l'université Aix-Marseille. Il est le co-auteur de cette étude. À partir de cette compilation, eh bien, en est sortie une image très homogène, assez surprenante, d'un continent individuel, avec une faune très endémique, donc très bizarre, pour une grande partie de l'Éocène, jusqu'à il y a 40 à 37 millions d'années. Et puis soudainement, autour de 38, 39 millions d'années, eh bien cette faune disparaît et est remplacée par des mammifères asiatiques. On a donc une dispersion de mammifères asiatiques qui sont les précurseurs de la plupart des grandes familles modernes de mammifères qu'on retrouve partout en Eurasie. Donc périssodactyles, archéodactyles, les rhinocéros par exemple. On connaît depuis le début du XXe siècle un événement majeur dans l'évolution des mammifères en Europe de l'Ouest qu'on appelle la Grande Coupure. C'est vraiment une période de bouleversement de la faune de mammifères avec l'extinction de la faune archaïque de mammifères européens. Donc on avait en Europe au cours du début du Cénozoïque, donc cette période entre 65 millions d'années et 50 millions d'années, toute une faune de mammifères archaïques dans le sens qu'ils n'ont absolument aucun descendant vivant actuellement, Et cette faune disparaît assez soudainement, autour de 34 millions d'années. Au même moment, apparaît dans le registre fossile de nombreux taxa de fossiles asiatiques. Donc ce bouleversement, nommé la grande coupure, a été décrit dès les années 1900. La mise à jour de la Balkanatolie comme étant un continent individuel nous donne un mécanisme et puis surtout un scénario pour le trajet progressif de ces mammifères qui, au final, amène à la grande coupure. Et ce que nous montrons dans ce papier, c'est que la dispersion des mammifères asiatiques commence bien avant 34 millions d'années, commence autour de 40 millions d'années, par une dispersion de l'Asie jusqu'en Balkanatolie, puis ensuite de la Balkanatolie jusqu'en Europe à 34 millions d'années. Et ces deux événements, donc 40 et 34, sont les deux grands bouleversements de la faune de mammifères asiatiques paléogènes. Voilà, et pour anticiper vos commentaires et réactions sur notre fil Twitter, non, la Balkanatolie ne recoupe pas le territoire de Levallois-Perret. Vous pouvez le lire sur notre fil Twitter, donc via l'étude qui vient d'être publiée sur notre compte @laméthodefc. Et on passe au bref. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, a publié son rapport hier sur les ressources halieutiques 2021. Et selon ce bilan, plus de la moitié des poissons pêchés en France sont issus de la pêche durable, mais 21% proviennent de la surpêche. Ce qui signifie que nous sommes encore loin de l'objectif d'une pêche 100% durable que s'était fixée l'Union européenne en 2013 à l'horizon de 2020. Alors certes, les quotas de pêche sont mieux respectés, mais de nombreuses populations de poissons se sont effondrées. Le cabillaud de la mer du Nord, la sole et la sardine dans le golfe de Gascogne et le merlu de Méditerranée restent des espèces surpêchées. Alors, d'après ce rapport, les conditions environnementales se dégradent également, avec notamment le réchauffement des températures qui freine la reproduction des poissons et l'appauvrissement en plancton dans certaines régions. Selon une étude parue dans Frontiers in Aging Neuroscience, pour la première fois, nous avons mesuré l'activité cérébrale d'une personne en train de mourir. Et des chercheurs américains étaient en train d'étudier l'activité cérébrale d'un homme de 87 ans par électroencéphalogramme, quand soudain, ce patient est décédé d'une crise cardiaque. Ils ont ainsi pu enregistrer les ondes cérébrales 30 secondes avant et 30 secondes après que le cœur ait cessé de battre. On dit souvent que juste avant de mourir, notre vie défile sous nos yeux. Et selon les auteurs, c'est peut-être ce qu'il se passe, car ils ont identifié dans ce laps de temps des types d'ondes cérébrales similaires à celles qui se produisent pendant le rêve, la méditation et les flashbacks de mémoire. Alors ce phénomène a déjà été observé chez les rats, néanmoins l'étude ne concerne qu'un seul cas d'un patient atteint d'épilepsie. Et pour finir, une étude parue aujourd'hui dans la revue Current Biology, nous avons des neurones spécifiques qui ne réagissent qu'aux chansons. Et les chercheurs du MIT aux États-Unis ont mesuré l'activité neuronale de 15 personnes par électrocorticographie, avec des électrodes placées sur le cortex auditif. Les participants ont écouté une centaine de sons, de la musique instrumentale, des bruits d'animaux, un texte lu, un bruit de chasse d'eau et du chant. L'activité électrique cérébrale des participants montre qu'un groupe de neurones réagit presque exclusivement à la musique chantée. Par imagerie cérébrale, par IRM, les chercheurs ont ainsi pu cartographier la zone du cerveau sensible aux chansons. Elle se situe entre la zone du langage et juste à côté de la zone sélective de la musique. Et donc nous essaierons demain de faire un journal des sciences chanté pour vérifier. Merci beaucoup Natacha et à demain donc pour le prochain JDS. S'il y a considérablement moins de méthane que de dioxyde de carbone dans notre atmosphère et s'il se dissipe en une grosse dizaine d'années, là où le CO2 reste lui 10 fois plus longtemps, en revanche, le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, jusqu'à 30 fois plus puissant que le CO2, ce qui en fait la deuxième cause la plus importante de réchauffement climatique selon l'Agence internationale de l'énergie. Et en ce sens, en maîtriser les émotions, voire soyons fous, les réduire, est une étape importante dans la lutte contre le réchauffement climatique, bien entendu. Ces émissions, elles sont majoritairement anthropiques. Une grande partie d'entre elles vient, vous le savez certainement, de l'agriculture intensive et plus particulièrement des rejets bovins. Mais une récente étude vient de mettre en lumière qu'une part très conséquente vient de la production des énergies fossiles. Il était communément admis qu'il s'agissait de fuites lors de l'exploitation de champs gaziers ou pétroliers. Cette étude satellitaire montre que les industriels peuvent rejeter, parfois volontairement, de très importantes quantités de méthane dans l'atmosphère. Alors comment faire ? Pour réguler nos émissions de ce gaz, on peut commencer par ne pas prendre exemple sur Monsieur Chapuis. Ce Chanteclerc vosgien annonce sinon la victoire, du moins la revanche du fumier sur l'or noir. Ou plus exactement, la revanche du gaz méthane provenant de la fermentation du purin. Depuis près d'un quart de siècle, M. André Chapuis de Xertigny utilise cet original combustible tant pour faire sa cuisine que pour chauffer son logement. Il envisage aussi de raccorder prochainement à ce gaz de fumier un chauffe-eau de salle de bain. La matière première provient de la litière d'une vingtaine de vaches. Ça m'a pas coûté bien cher l'installation, puisque c'est moi qui ai fait l'installation en majeure partie. Des cuves en ciment. Des cuves en ciment, il n'y a que la chaudronnerie que je préfère en artisan. Le fonctionnement de l'installation de M. Chapuis est des plus simples. Elle se compose de 3 cuves en ciment de 8 mètres cubes chacune. Ces cuves sont remplies de fumier en moyenne une fois par mois. Pendant une semaine, le fumier est quotidiennement arrosé afin d'activer la fermentation qui donnera naissance au purin et au méthane. Un essai de brûlage sera alors effectué au bec d'une des cuves, puis le méthane gagnera le gazomètre où la cloche métallique lui assurera une pression convenable. Chaque cuve a une autonomie journalière d'environ 4 mètres cubes. Seul inconvénient, les trop grands froids qui risquent de freiner la fermentation. Oui. Alors depuis 20 ans, vous faites votre cuisine, vous faites votre chauffage à partir du gaz du fumier. Oui. Ça ne vous coûte absolument rien. Non, ça ne me coûte rien. Juste le travail de remplir les cuves et de les vider. Voilà, ça coûte peut-être rien à Monsieur Chapuis, mais ça coûte beaucoup à notre planète et à l'atmosphère. Donc pas forcément une excellente idée de récupérer la méthanisation du fumier ou des ordures d'ailleurs pour se chauffer à la maison. Oui, oui. Alors j'ai réagi déjà en premier parce que je suis originaire des Vosges, alors ça m'a bien marqué, vous avez bien trouvé votre sujet. Effectivement, c'est un système qui se développe énormément aujourd'hui, surtout dans la région Grand Est en particulier. Beaucoup de méthaniseurs se mettent en place, alors là c'est plus du tout la même échelle, hein. On parle d'industrialisation du problème. Et on a aussi très peu de données là-dessus, donc est-ce que les systèmes vont durer, est-ce qu'ils ont des fuites, est-ce qu'ils ont bien été conçus, et qui va maintenir ce genre d'installation. Ça peut être aussi efficace que ça peut être dangereux, voilà, c'est des choses à bien regarder sur le long terme. On rappelle évidemment que le méthane CH4 est l'ingrédient principal du gaz naturel. Contrairement aux idées reçues, on peut lever une idée reçue, le méthane est inodore et incolore. Exact. Et Marielle Sonnois. Donc le méthane est inodore et dans notre gaz de ville, on rajoute justement un gaz odorant pour détecter les fuites. Qui est un gaz soufré, voilà, pour avoir été près de lacs. Il y avait, quand le vent tournait vers Pau, on avait les odeurs des gisements de soufre qu'on introduit dans le gaz pour lui donner son odeur. Pour revenir à des choses plus sérieuses et plus concrètes, un mot sur l'étude que j'évoquais il y a quelques instants, qui est d'ailleurs à l'origine de cette émission. Cette étude publiée le 3 février dans la revue Science sur les émissions de méthane provenant des productions et transports de pétrole ou de gaz. Comme je le disais, Marielle Sonnois, on a longtemps pensé qu'il s'agissait de fuites involontaires. On se rend compte qu'il y a bien sûr des fuites, mais qu'il n'y a pas que des fuites et qu'il peut y avoir des dégazages volontaires d'un certain nombre d'industriels. Alors, des dégazages volontaires, oui, parce qu'ils font de la maintenance au cours desquels il y a du dégazage volontaire. Et après, il y a toutes les fuites, alors volontaires ou non, en tout cas, qui existent et qui peuvent être de grande ampleur. Et ce dont Thomas a parlé dans son étude. Mmh. Thomas Loveau, on a une idée des proportions, justement, de ces rejets de l'exploitation des énergies fossiles. On a déjà une idée, ça a été la grosse surprise. Tous les cas qui avaient été étudiés de gros rejets, c'était généralement des cas accidentels. Je repense à Los Angeles, où le puits, qui était un puits de stockage de gaz, avait lâché à l'époque. Ils ont mis 3 mois à le reboucher. Quand on a fait cette étude-là, on s'attendait à ce genre d'événement. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart de ces lâchés étaient très courts, moins d'une journée, dans la plupart du temps. C'est programmé, c'est pas accidentel. Et puis on avait d'autres preuves, on voit des faisceaux de preuves apparaître. Par exemple, on voit des doubles lâchés. Ça, c'est le long d'un gazoduc. On va lâcher le gaz en amont et en aval, faire l'opération de maintenance et puis refermer les vannes. Donc ça nous donne des preuves en fait matérielles. Au final, la grande majorité des cas qu'on a sont bien des lâchés intentionnels de maintenance. Et quand je parle de lâchés, là je parle des fois de centaines de tonnes par heure. Donc c'est gigantesque, c'est la taille d'une ville sur une année, une petite ville. Donc on voit que ces événements au début qu'on pensait nous fortement accidentels, loin de là, en fait l'idée, ils sont surtout partout. Il n'y a pas réellement un pays qui va lâcher, c'est toutes les exploitations, tous les gisements de gaz à l'heure actuelle et de pétrole. Faut pas l'oublier, il y a beaucoup de gaz dans le pétrole. Et c'est même parfois encore pire parce que le gaz pour eux, c'est finalement un déchet. Ils sont pas là pour récupérer le gaz, donc ils s'en débarrassent. Alors quand la torchère marche bien, tout va bien. Quand elle ne marche plus, des fois on l'a oublié. Et certains cas, pendant 3 ans, on a découvert des torchères qui ne marchaient plus. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus allumés, donc qui ne brûlaient plus le gaz à la sortie, et donc qui laissaient s'échapper du méthane pur. Exactement. Pas pur, certainement pas pur, mais à 95%. Oui, ouais. Et donc là aujourd'hui, dans l'étude que vous avez conduite, aujourd'hui vous dites finalement, ces rejets liés à l'exploitation de gaz et de pétrole, ils sont majoritairement intentionnels. C'est-à-dire qu'il y a certainement des fuites, mais les fuites sont une... C'est quoi la proportion ? Proportion, c'est une grande majorité. On est à 80%, je dirais, d'intentionnel, ah oui. Et à 20% d'accidents. Mmh. C'est là où on est. On voit bien les accidents, parce que généralement, il y a toujours un petit peu le même scénario. Elles durent plus longtemps. C'est plusieurs semaines pour les réparer, parfois plusieurs mois. Donc on arrive bien, et après on a eu des enquêtes, et c'est là où nous on a besoin aussi, maintenant que la base de données est publiée, on a besoin de gens qui vont aller sur le terrain. Des journalistes de Bloomberg nous ont beaucoup aidés, ils ont pris une dizaine de cas répertoriés dans le monde, ils ont essayé de creuser. À chaque fois, on retrouve des opérations de maintenance sur le terrain. Un gazoduc, par exemple, quand il y a un chantier d'autoroute, pour des raisons de sécurité, hein. Et souvent la première cause invoquée est toujours la sécurité des ouvriers, des employés sur site. Ce qui est logique. Mais quand on parle de lâcher 150 tonnes de méthane par heure, peut-être qu'on aurait pu aussi éviter ce lâcher, amener des systèmes deux jours avant. Oui, parce que d'autant plus qu'on reviendra sur la façon dont vous avez mené cette étude, parce que c'est très important. Et aujourd'hui, la surveillance à l'échelle globale et à différents niveaux d'ailleurs est très importante pour comprendre justement d'où viennent ces émissions et puis évidemment comment y remédier. Vous nous en direz un mot, et surtout que ces lâchers intentionnels sont de la perte d'argent pur, puisqu'encore une fois ce gaz-là pourrait être exploité, réintégré dans les circuits de gaz naturel. On va continuer à parler du méthane, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est que ce gaz et pourquoi il est si dangereux pour notre petite planète. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc du méthane en compagnie de Marielle Saunois et de Thomas Loveau. Marielle Saunois, alors parlons simplement, qu'est-ce que c'est que le méthane ? Donc le méthane, c'est une molécule, c'est H4, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Il est présent dans l'atmosphère dans des quantités moindres que le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, en moyenne, c'est... on parle en 400 ppm. Donc ppm, c'est parti par... Million, c'est ça. Donc ça veut dire que pour 1 million de molécules d'air, vous allez retrouver 400 molécules de CO2. Mmh. Alors que pour le méthane, on est plutôt, si on va garder la même unité, à 1,8, 1,9. Donc pour 1 million de molécules d'air, vous avez 400 molécules de CO2 et à peine 2 molécules de méthane. Donc en moindre quantité dans l'atmosphère. Cependant, il est émis par différentes sources, vous en avez cité quelques-unes. Donc il y a des émissions naturelles. Avant les activités humaines, il y avait des émissions de méthane, essentiellement par ce qu'on appelle les zones humides, tout ce qui est marécages, estuaires, mangroves, etc. Et depuis les activités humaines, il y a les émissions liées à nos activités, donc l'agriculture, avec l'élevage, la riziculture, liées à l'exploitation des énergies fossiles, donc les trois énergies, pétrole, gaz et aussi charbon, qu'on n'a pas encore mentionné, et la gestion des déchets. Parce qu'on a parlé d'Élysée, mais il y a aussi tous nos déchets organiques de toute la population qui entre en jeu. Et qui, dans beaucoup de pays, sont encore en plein air et donc fermentent et dégagent du méthane de manière naturelle et directement dans l'atmosphère. Exactement. Dans beaucoup de pays, c'est des décharges qui font des hectares et des hectares à ciel ouvert et qui, effectivement, déchargent des quantités importantes de méthane. Si on reste un tout petit peu peut-être en chimie toute simple, donc CH4, carbone, 4 hydrogène, c'est l'hydrocarbure le plus simple. Comment expliquer que cette petite molécule, c'est pas une grosse molécule, a deux parties par million, produisent à ce point un effet de serre et de réchauffement quasiment 30 fois plus puissant que le CO2? Alors, c'est technique comme question. Allez-y, donc, on n'a pas peur de la technique. Non, parce que je ne sais pas si je connais exactement la réponse. Mais donc effectivement, il va avoir une puissance de réchauffement, c'est ça qu'on donne comme métrique, sur une échelle de temps. Là, vous avez donné 30, donc ça veut dire que c'est sur un horizon de 100 ans. Donc sur un horizon de 100 ans, on considère que le pouvoir de réchauffement d'un kilo de méthane qui est émis, il est équivalent à l'émission de 30 kilos de CO2. Sur 100 ans, avec une émission au temps zéro. Donc c'est lié à sa capacité à absorber le rayonnement infrarouge terrestre, et aussi au fait qu'il va produire ce qu'il est détruit dans l'atmosphère. Vous avez dit qu'il reste relativement peu de temps dans l'atmosphère. Il va être détruit dans l'atmosphère, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mmh. Et lors de sa destruction, ça va aboutir à d'autres produits, d'autres gaz, dont l'ozone, qui est aussi un gaz à effet de serre, et la vapeur d'eau, en particulier dans la stratosphère, qui contribue aussi au réchauffement climatique. C'est-à-dire à très basse altitude, parce que c'est vrai qu'on entend souvent l'ozone, la couche d'ozone, mais la couche d'ozone, c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Ouais. C'est dans la troposphère, là, quand l'ozone est en bas. C'est pas la troposphère. Je corrige. Du coup, la troposphère, c'est entre, on va dire, 0 et 15 km. C'est l'altitude des avions, c'est 12 km. C'est ça. Donc la troposphère, ça va un peu plus haut. La couche d'ozone, c'est plutôt 25-30 km dans la stratosphère. Et là où l'ozone, donc dans nos basses couches, en surface, c'est effectivement un polluant de la qualité de l'air, mais c'est aussi, du coup, un filtre UV dans la strato, et aussi un gaz à effet de serre. Il fait beaucoup de choses, l'ozone. Un gaz à effet de serre, essentiellement dans la haute troposphère, basse stratosphère, donc vers 15-20 km. Très bien. Thomas Levaux, vous voulez peut-être préciser ou réagir justement pour qu'on comprenne bien ces mécaniques. Tout ça, ça se passe, enfin pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour le méthane et pour les réactions chimiques, ça se passe très bas et donc ça fait une sorte finalement de couvercle chimique. On s'intéresse un peu aux deux. On a les deux problèmes sont dans mathématiques. Moi, c'est surtout au niveau de la surface parce que les émissions sont à la surface. Donc, il va avoir une tendance à rester dans la troposphère, mais il va monter dans les couches plus hautes, la stratosphère. Ça se complique d'aller en stratosphère, déjà parce qu'on a très peu de mesures. Donc ça, il faut le dire, on a très peu de mesures, parfois, pour aussi comprendre les phénomènes physico-chimiques. On a des cycles saisonniers qui sont parfois même inversés entre les basses couches et les hautes couches. Les mécaniques sont complètement différentes. Donc ça nous pose parfois des problèmes. Quand on fait du satellite, on regarde toute la colonne de l'atmosphère. Donc on a besoin de comprendre le méthane sur toute la colonne. Et c'est le manque d'observation qu'on a parfois en haute altitude nous empêche de bien pouvoir saisir ce qu'on a mesuré. On a plusieurs rapports. Alors, on sait. Alors, pour partir de ce qu'on connaît, les émissions de méthane, on a commencé à les mesurer en 1980 à peu près, c'est ça ? Les concentrations. On n'arrive pas bien à mesurer les émissions. Ce qu'on mesure, c'est les concentrations dans l'atmosphère. Donc, effectivement, à partir des années 80, il y a eu des réseaux de mesures qui ça a commencé aux États-Unis par la NOAA, qui a mesuré dans différents sites très régulièrement les concentrations de méthane, avec des réseaux qui se sont amplifiés, donc avec plus de stations, plus d'endroits, et qui se sont développés. Il y a eu essentiellement, après on a le plus de stations, c'est dans l'hémisphère nord, donc en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, un petit peu en Chine, un peu moins en tropique, c'est ce qui aussi nous pose problème. Mais depuis les années 80, on mesure les concentrations de méthane de façon très précise. Et depuis les années 80, comment elles ont évolué ces consommations de méthane jusqu'à aujourd'hui ? Parce que c'est une évolution assez atypique. Alors, c'est assez atypique. Dans les années 80, je pense que le taux de croissance il était assez élevé, à peu près 10-15 ppb. Alors, Parti par milliard, voilà. 10-15 ppb par an. Dans les années 90, ça s'est ralenti, on était peut-être à 5-10. Dans les années 2000, on a eu un plateau au début des années 2000, donc avec un taux de croissance en moyenne nul. Et à partir de 2007, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les concentrations de méthane ont réaugmenté dans l'atmosphère, avec des taux de nouveau 5-10 ppb par an. Et l'année dernière, je crois, on était à 15 ppb. Et cette année, c'était 2020, on était à 15 ppb. 2021, je pense qu'on est aussi à 15, voire 17 ppb en plus dans l'année. Par ailleurs, malgré les confinements et donc malgré des années où on a pu surveiller, en tout cas pour le CO2, plutôt une baisse ou une stagnation des émissions. Oui, mais du fait de la complexité du méthane et de la chimie, en fait, c'est pas aussi réjouissant que pour le CO2. C'est ça, bien sûr. C'est bien ça qui est intéressant. Thomas Levaux, un mot là-dessus. Depuis 2007, est-ce qu'on comprend ce qui se passe, tout simplement ? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a ce boom des émissions et est-ce qu'on a des indices ? C'est un grand sujet à débat. Et là, Marie, elle a suivi le débat plus proche encore que moi. Il y a eu des hypothèses du méthane anthropique, du méthane biogénique. Donc, pour ça, on va aller plus loin. On va aller au cœur même du méthane. On va regarder les isotopes du méthane. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour regarder, par exemple, la composition en carbone 13 dans le méthane. Ça nous sert de traceur dans les émissions. On peut voir si c'est un méthane qui est plutôt d'origine anthropique ou d'origine naturelle. Donc, on va servir de ces traceurs. Il y a des études qui sont faites avec d'autres gaz aussi. On peut tracer les sources avec... Quand vous avez du méthane qui vient des sources industrielles, par exemple, souvent, il y a des autres alcanes qui viennent avec. Vous avez de l'éthane en particulier. Donc, on a fait beaucoup de campagnes de mesure avec de l'éthane pour essayer aussi de comprendre ces taux d'accumulation. C'est pas simple. La question est toujours, je pense, encore en débat. Il y a des écoles, des raisons de croire l'un ou l'autre. Il y a des synthèses qui sont faites à l'heure actuelle. Ça reste un gros sujet de recherche, encore aujourd'hui. On peut donner l'une des hypothèses, peut-être, et je vais vous laisser la préciser, Marielle Saunois. On pense qu'il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive, et notamment climatique, dans les zones humides. C'est-à-dire que comme il y aurait, du fait des modifications climatiques, une augmentation de la surface des zones humides, ces zones humides se mettraient à produire naturellement plus de méthane. Je vous laisse infirmer ou confirmer ce que je viens de dire. C'est une rétroaction possible, envisageable, puisque c'est des émissions qui dépendent de la température. Cependant, ça n'est pas le facteur premier de l'augmentation des concentrations dans l'atmosphère. Et juste pour revenir tout à l'heure, en fait, ce qui est important à dire, c'est que l'augmentation depuis 2007 en méthane, elle est directement corrélée à la diminution en isotope 13 du méthane. Donc il y a effectivement un changement dans le mélange de sources qu'on observe dans l'atmosphère. Rappelez-moi, l'isotope donc de carbone 13 du méthane, c'est un isotope qui est fléché industrie. Non. Non, fléché naturel. Non. Non plus. Non. Alors qu'il est fléché vers non, vous. Non, c'est dites-moi ça le problème, parce qu'effectivement, on aurait envie de différencier naturel et anthropique. Sauf qu'en fait, le C13, il va être fléché plutôt type de production, d'où vient le méthane? Il y a trois types de méthane. Soit le méthane, il a été produit de façon thermogénique dans les énergies fossiles. Soit le méthane, il est produit de façon biogénique par des micro-organismes. Les bovins, mais les zones humides, mais les zones humides aussi, les déchets, bien sûr. Du coup, tout ça, ça se mélange, c'est embêtant. Et le troisième source, c'est pyrogénique, donc la combustion de la biomasse. D'accord. Et les sources en isotope pour ces trois types. Alors, on aimerait qu'elles soient très différentes, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a des grosses incertitudes et puis il y a des grosses variations selon les zones humides qu'on regarde, selon le type d'énergie et le type de mine qui est exploitée, etc. Mais en tout cas, le C13 pourrait permettre vraiment de différencier. Alors vraiment les émissions pyrogéniques, parce qu'ils ont une concentration, une signature très basse, mais un petit peu le fossile et le biogénique. Mais dans le biogénique, effectivement, on a du naturel et de l'anthropique. Ouais. Donc on voit bien que c'est un problème complexe et de l'importance surtout d'un suivi très précis. On parle de tracking en anglais. Il y a eu l'étude que vous avez menée, Thomas Lovo, à laquelle vous avez contribué. On va en parler d'autres parce qu'on ne suit pas la concentration de méthane dans l'atmosphère que par les satellites. Bonjour Céline Lazen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au laboratoire des sciences du climat au CEA de Saclay pour comprendre comment on a pu récemment étudier le problème du méthane dans la ville de Paris. Et oui, en milieu urbain, les fuites sont un problème qu'on pourrait facilement résoudre si on savait bien les identifier. Des chercheurs du LSE ont sillonné la ville de Paris à bord d'une voiture équipée d'instruments et de capteurs pour cartographier les fuites de méthane. Leur étude a été publiée en juin 2021 et Jean-Daniel Paris, co-auteur, m'a expliqué leurs observations. 90 fuites potentielles qu'ils ont repérées, dont 27 clairement identifiées. Selon trois causes principalement, les canalisations, les égouts et de manière plus étonnante, les chaudières privées. Ces résultats qui sont un peu sous-estimés car les mesures sont difficiles à opérer, ne sont pas alarmants mais très utiles pour orienter les réglementations climatiques. Au début, l'objectif, c'était de faire une cartographie des émissions de méthane dans Paris. On part d'une grande incertitude. On connaît mal les émissions de méthane à Paris. On se doute, a priori, dans l'inventaire qui est fait pour la ville, on a une estimation qui est faite pour les fuites du réseau de gaz naturel. On suppose, les gens qui font l'inventaire supposent qu'il y a tant de fuites par kilomètre. On multiplie par une estimation du nombre de kilomètres de réseau. Et c'est ça l'élément de départ qu'on a. En fait, il y a d'autres sources potentielles d'émissions en ville. Le réseau d'égouts, tous les systèmes individuels qui utilisent du gaz naturel. Et le but, c'est d'aller confronter l'inventaire qu'on a, qui est assez simple, et puis d'élaborer une vision plus complète. Vous avez sillonné les rues de Paris en couvrant à peu près toute sa surface et vous avez, je crois, identifié 90 potentielles sources, dont 27 certaines, que vous avez catégorisées en trois secteurs. Donc vous l'avez dit, les égouts, les canalisations et aussi quelque chose de moins intuitif, c'est les chaudières privées des bâtiments. Ouais. Les chaudières à gaz. Effectivement, donc on a fait 700 km de rues parcourues. En Paris, intramuros, c'est proche banlieue ouest et sud. Et on a eu la surprise d'identifier deux hotspots, donc des points avec des concentrations assez fortes, qui étaient côté Trocadéro et côté ici les Moulineaux, donc qui n'étaient pas a priori des endroits qu'on attendait comme ça. Une fois qu'on trouve des hotspots, c'est-à-dire qu'on trouve des augmentations de concentration dans la voiture, on fait des mesures isotopiques, c'est-à-dire que dans la voiture, on a un instrument assez performant qui mesure le ratio entre le carbone 13 et le carbone 12 dans le méthane. Donc le méthane, c'est CH4, un atome de carbone et 4 d'hydrogène. Et en connaissant le ratio isotopique, on peut séparer les sources en fonction de l'origine du méthane. C'est-à-dire qu'on sait que quand le méthane est généré par des bactéries, il va être appauvri en carbone lourd, donc en carbone 13. Donc on aura un ratio isotopique, carbone 12 sur carbone 13, plus faible. Alors que quand on va avoir du gaz naturel, qui va être d'origine dite thermogénique, c'est-à-dire que c'est craqué dans les profondeurs de la Terre sur des périodes géologiques, là, on va avoir des ratios isotopiques plus forts. Et donc en mesurant ça, on peut séparer ce qui vient du gaz naturel ou par exemple des égouts. C'est les pompes. Donc le bruit principal qu'on a là, c'est les pompes. Donc parce que tous ces instruments fonctionnent en aspirant de l'air et en le faisant venir dans une cellule à l'intérieur de l'instrument. Donc en fait, on a plein de tubes qui viennent prélever de l'air à différents endroits, soit des bouteilles de référence pour la calibration, soit qui vont prélever sur le toit du bâtiment. L'air, il est amené dans ces instruments. Il y a une pompe derrière, donc il s'assure de la circulation de l'air, c'est pour ça qu'on a ce bruit-là. On peut choisir une pompe pour le plaisir. Alors ça, c'est ce genre de truc qui fait un bruit très intéressant, parce que c'est une pompe qui switch entre les différentes lignes d'air, mais j'en entends pas en fonctionnement, là. Il y en a une à chaque fois, il faut qu'on ait de la chance. Sinon, le bruit des pompes, elles sont derrière, par là. Elles sont juste là pour faire circuler l'air à travers ces instruments. Donc ces analyseurs, c'est ceux qu'on est en train de tester pour s'assurer qu'ils répondent à tous les critères de qualité avant d'être déployés sur le réseau. En fait, l'air, on essaye de prélever l'air à l'endroit où ça va être significatif, c'est-à-dire qu'en voiture, on a des prélèvements qui sont faits sur le toit de la voiture, et puis après, quand on va s'approcher donc la pompe dans la voiture, faire rentrer l'air, et donc on a une cartographie en temps réel du méthane. Et quand on trouve des endroits intéressants, on descend avec ce petit capteur manuel, et là, à nouveau, on a une petite pompe dans l'instrument qui fait aussi venir l'air dans l'instrument. Et on s'assure que donc le bout du tuyau, alors on se monte un petit tuyau comme ça, et on s'assure que le bout du... Voilà, il y a un bout de tuyau et on l'accroche au bout d'un bâton pour aller échantillonner exactement là où on a envie. Et alors finalement, à l'issue de cette enquête dans les rues parisiennes, qu'est-ce que vous avez pu conclure sur la pollution à Paris et sur les moyens de pouvoir limiter cette pollution de méthane ? Ouais, donc les choses principales que nous a appris notre enquête sur Paris... La première, c'est que ça a confirmé ce qu'on pensait, c'est-à-dire que Paris n'est pas une ville fortement émettrice de méthane sur le territoire propre de la ville. Ça veut pas dire par rapport que, à quoi par rapport à d'autres villes américaines, notamment américaines, parce qu'il y a peu d'études ailleurs qu'aux États-Unis, mais si on se compare aux différentes villes américaines qui ont été étudiées, là-bas, il y a des réseaux de gaz naturels qui sont assez vétustes, et des taux de fuite qui sont très souvent supérieurs à ce qu'on a à Paris. Donc Paris, c'est une ville qui est relativement propre en termes d'émissions de méthane. Ce qu'on a découvert de plus surprenant, on va dire, c'est l'importance finalement des émissions liées aux égouts et aux chaudières des bâtiments particuliers. En fait, la source connue qui est les fuites du réseau de distribution de gaz, donc dans les inventaires actuels, ça représente 100%. Alors que ce qu'on a trouvé, nous, c'est que ça représente tout simplement les deux tiers et que le reste manquant, on l'attribue au réseau d'égouts et aux chaudières des bâtiments. Donc vous avez mis en évidence cette contribution de chaudière qui n'est pas du tout négligeable, en fait. Voilà, c'est pas du tout négligeable. Alors évidemment, notre étude, elle souffre de limitations. On a conduit que 700 km, que pendant un an. On pourrait refaire ça beaucoup plus longtemps pour s'assurer que tout est... cohérent d'année en année, mais effectivement, si nos découvertes sont robustes, on peut imaginer que ça dégage des nouveaux leviers d'action pour réduire les émissions de méthane à Paris et peut-être dans d'autres villes de France. Voilà cette mesure du méthane parisien. Peut-être rapidement une réaction, Marielle Sounois, à ces travaux. Non, mais c'est vrai qu'il y a assez peu d'études. Comme Jean-Daniel le disait, il y a eu des études aux États-Unis, assez peu dans les villes en France ni dans d'autres villes européennes. Enfin, je ne sais pas, Thomas, tu me corrigera. Et c'est des choses sur lesquelles effectivement faut faire un peu plus de campagnes de mesures pour venir vers la source en fait, pour avoir une meilleure idée aussi pour après essayer de mieux extrapoler au niveau national et mondial. Thomas Levaux. Oui, c'est intéressant parce que j'ai travaillé là-dessus aux États-Unis, moi, autour d'Amérique du Nord. Ça varie. Et en fait, avec l'histoire des villes, on avait des très gros facteurs d'émission qui correspondaient pas du tout aux inventaires déclarés des villes. Surtout sur la côte est, on a les villes historiques avec des réseaux qui sont très âgés, qui sont détériorés. Et ça dépendait énormément aussi du type de management. Quand c'était des villes ou des organisations en charge ou des entreprises privées. Donc on avait un taux de fuite finalement qui était très élevé sur Boston. Hein, on a dû réévaluer d'un facteur 3 les émissions officielles. Par contre, quand on partait dans les grandes plaines et puis vers la côte ouest, là on avait des réseaux qui fuyaient relativement peu. Alors ça compliquait beaucoup de choses. Des fois on avait des villes aussi comme Los Angeles, vous savez, où les gens font des forages de gaz dans la ville. Donc après, vous avez même, faut séparer les puits de pétrole, les puits de gaz, des fuites que vous avez sur le réseau. Dans la grande majorité pour l'Amérique du Nord, c'était des fuites de réseau de gaz. C'était vraiment ça, la grosse source de méthane. On va continuer à reparler d'autres méthodes, notamment des méthodes de télédétection satellite. On va surtout chercher à savoir s'il y a des solutions pour baisser drastiquement nos émissions de méthane, en tout cas nos émissions dans l'atmosphère. Ou faut-il mieux utiliser ce méthane produit, soit par l'exploitation des énergies fossiles, soit par le déchet, soit par l'agriculture. Des solutions, il y en a, il n'en manque pas. Ce sera dans quelques secondes musicales. Voilà, hommage à 16h37 à Mark Lanegan, chanteur notamment ex-chanteur de Queen of the Stone Age, décédé hier avec The Grave Digger's Song. Nous parlons de méthane tout au long de cette heure en compagnie de Marielle Saunois, qui est enseignante chercheuse à l'université de Versailles-Saint-Quentin et chercheuse au LSCE, également coordinatrice du bilan mondial du méthane, qui est une initiative du Global Carbon Project, et Thomas Lovo, chercheur CNRS au LSCE. Deux petits points, parce que on parlait tout à l'heure, et vous parliez, Marielle Saunois, du fait que le méthane, quand il se dégrade dans l'atmosphère, finit par donner de l'ozone. Ozone, c'est O3, il n'y a pas d'oxygène dans le méthane. Il faut bien comprendre que là, ça passe par le radical hydroxyle OH qui produit un certain nombre de réactions chimiques, dont l'une des résultantes est l'ozone. C'est exact. Voilà. Je le précise juste parce que c'était pas très très clair pour un de nos auditeurs. Et l'autre chose, je crois, sur lesquelles j'aimerais qu'on dise un mot, parce qu'on a parlé des sources naturelles et des sources anthropiques. Les sources anthropiques aujourd'hui, par rapport aux sources naturelles, c'est environ 60-40%, c'est ça ? 60%, en gros, 60% d'émissions anthropiques, 60%, 40% d'émissions naturelles, pardon. Et dans les émissions anthropiques, si on les décompose ? Si on décompose toutes les émissions anthropiques, alors, je vais vous donner à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas du tout représentatif si on va pays par pays ou région par région. Donc à l'échelle mondiale, c'est 40% lié à l'agriculture, élevage, riziculture, 35% lié aux énergies fossiles, 20% à la gestion des déchets, et le reste 5% à la combustion de biomasse pour se chauffer, voilà. De bois, lisier, crottin, tout ça. Donc on a voilà le principal à équivalence à peu près entre agriculture, donc élevage, riziculture et énergie fossile. 40-35, ça permet de donner un peu des ordres de grandeur et je pense que c'est important pour la suite de nos conversations. Mais tout de suite à 16h40, comme chaque mercredi, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aymeric Germain-Piolaine. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur l'apport des alcanes légers pour l'estimation des sources de méthane. C'est une thèse en chimie atmosphérique à l'université Paris-Saclay. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute, c'est à vous. Merci, un grand merci pour votre invitation. Donc oui, je suis doctorant en début de seconde année de thèse. Je travaille en collaboration entre le LSE dont vous avez parlé et le Cyprus Institute à Nicosie. Et donc je suis actuellement à Chypre pour accueillir des données de concentration de gaz trace dans la basse atmosphère. Donc vous avez expliqué en première partie de l'émission que le méthane est un gaz à effet de serre très important sur lequel il faut agir, hein, pour réduire le réchauffement climatique. C'est une part importante, vous l'avez dit, de ces émissions et mais aussi des incertitudes qui leur sont associées proviennent du secteur pétrolier et gazier. Et moi, c'est sur ce secteur que j'essaye de me concentrer. Donc toutes les étapes d'exploitation du pétrole et du gaz représentent, vous l'avez dit, une part importante des émissions anthropiques de méthane à travers le monde. Et en plus, ces émissions d'origine fossile semblent largement sous-estimées, c'est-à-dire environ 25 à 40% selon les récentes estimations. Et donc dans le monde, ces émissions ne sont pas réparties de manière homogène, donc il existe plusieurs régions qui sont particulièrement émettrices de méthane par secteur du pétrole et du gaz. C'est le cas par exemple du Golfe du Mexique, de la Sibérie ou encore du Moyen-Orient. Malheureusement, toutes ces émissions, et en particulier celles de la région Est-Méditerranée et Moyen-Orient, sont peu étudiées. Et les mesures locales et régionales manquent beaucoup. Alors que pourtant, le Moyen-Orient, c'est environ 7% des émissions mondiales chaque année. Donc l'objectif de mon travail, c'est d'étudier les émissions du secteur pétrole et gaz de cette région à l'échelle locale et régionale. Et pour ça, je mesure et j'utilise un panel assez large de composés organiques volatiles, dont les alcanes légers, donc que vous avez mentionné tout à l'heure, comme l'éthane, le propane ou les butanes, par exemple, pour essayer de séparer les sources. Donc en fait, ces composés sont des gaz à courte durée de vie dans l'atmosphère, hein, de l'ordre de quelques heures à quelques mois maximum, ce qui est faible comparé à la décennie du méthane. Et ils sont présents en très faible quantité, puisque leur concentration peut être 200, voire 1 million de fois inférieure à celle du méthane. Donc là, on parle de très très très faible quantité. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de ces alcanes légers sont coémis, donc émis en même temps, que le méthane par les activités qui sont liées au pétrole et au gaz notamment. Et donc, ce sont des traceurs qui sont prometteurs pour mieux connaître les émissions de méthane qui sont liées à ces activités. Donc, les mesures sont en cours à Chypre depuis février 2021 pour des gaz à effet de serre et les alcanes légers pour essayer d'obtenir un signal local à l'est de la Méditerranée et un signal régional provenant du Moyen-Orient. Et puis plus tard, on ira au Qatar où là, il sera question de plusieurs semaines de mesures qui sont uniques dans le Golfe Persique. Et donc, toutes ces mesures vont constituer un jeu de données qui sera nouveau et très complet pour évaluer les émissions de méthane du secteur pétrole et gaz de la région. Et les premiers résultats suggèrent que, pour l'instant, nous avons de fortes et diverses sources locales de méthane et d'alcanes légers à Nicosie, qui semblent très influencées par les sources locales, agricoles et trafic, plus propres au secteur urbain. Mais bien qu'une influence ponctuelle du transport à longue distance provenant entre autres des opérations pétrolières et gazières du Moyen-Orient ont également été mises en évidence, mais qui reste assez difficile à séparer des sources locales qui sont pour le moment bien plus importantes. Voilà, j'espère une fois cette étude terminée, disons qu'elle aura contribué à réduire les incertitudes qui entourent les émissions de méthane de la région et que le jeu de données que je suis en train de créer sera utilisé par la suite pour préciser les estimations concernant le changement climatique futur et les stratégies d'atténuation des émissions. Merci beaucoup Aymeric Germain-Piolaine pour votre présentation. Une réaction, parce que comme on l'entendait tout à l'heure, il est difficile de distinguer dans l'étude la provenance du méthane juste par son analyse. Là, on a une piste concrète qui permettrait d'avoir au moins une première forme de discrimination, Thomas Loveau. Oui, ça, on a, malgré le fait que ça soit vraiment des toutes petites quantités, elles varient et elles sont très spécifiques à certains gisements. on arrive parfois à retracer, quand il y a plusieurs formations de gaz, on arrive à retracer quelle formation on regarde. Donc ça aide beaucoup à identifier l'origine des pics qu'on mesure dans les données. Pour continuer à parler de la surveillance à l'échelle globale, aujourd'hui, quels sont les moyens dont on dispose, quels sont les moyens dont vous avez disposé, Thomas Levaux, pour votre étude? Il y a différents types d'observations, et je pense notamment à l'observation satellitaire avec l'un des outils dont vous disposez, qui est le satellite Merlin du CNES. Alors, ça, c'est celui qui va venir dans l'avenir. Qui va venir, qui n'est pas encore... Exactement. Qui est lancé. Et l'instrument est en développement, et il y a une mission qui est prévue pour... Alors là, j'ose pas dire la date, je vais me tromper. Je croyais que c'était 2026, mais je crois qu'hier, on m'a dit 2027. Voilà, 2027, dans le spatial. On souvent dans le spatial. Voilà, on décale souvent, à cause des nuages, du mauvais temps. Et donc, là, sur cette étude, on est sur un satellite européen qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne. L'instrument s'appelle Tropomi. Alors, il est à bord de la mission qui s'appelle Sentinel-5P, avec précurseur. Donc, c'est un satellite qui a été lancé depuis 2017, fin 2017, hein, qui est opérationnel depuis 2018. Et on a fait une méta-analyse, finalement. Donc, ça mesure le méthane chaque jour. Alors, c'est des instruments qui sont passifs. Ça veut dire que on regarde les rayons du soleil qui sont réfléchis à la surface de la Terre. On regarde aussi les rayons du soleil qui viennent directement du soleil. On peut voir donc ce qui a été absorbé sur le parcours. Donc le parcours, c'est l'atmosphère. Donc le rayon a traversé l'atmosphère, le méthane a absorbé une partie de l'énergie. Quand il arrive à notre capteur, on regarde l'absorption qu'il y a eu sur le parcours et on en déduit la quantité de méthane. Alors c'est assez subtil, hein. Je dis ça, ça a l'air simple, mais en réalité, la caractéristique du sol peut changer. Donc on doit faire beaucoup d'opérations pour avoir des algorithmes qui sont fiables. On les valide et on les calibre avec des données au sol, des lancers de ballons, des instruments colonnes au sol. Donc on essaie de faire au mieux possible. Malgré tout ça, on a des taux de détection qui sont encore relativement bas. Donc on s'est surtout attaché dans l'étude-là, spécifiquement, à des énormes anomalies dans les champs de méthane observés. On n'est pas du tout au niveau de, par exemple, ce dont Marielle parlait juste avant, de faire des bilans globaux sur la planète. On n'a pas, c'est pour l'instant encore, la confiance dans les données. Ça va venir. Donc on s'est attaché surtout aux anomalies. Et on a fait une base de données finalement complète de toutes les anomalies sur 2 années. Marielle Sonnois, donc il y a d'autres, on va pas faire peut-être la liste, je suis pas sûr que ce soit très passionnant de faire la liste des satellites dont vous disposez. Comment est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui, quelles sont les pistes d'amélioration de la détection et pourquoi cette détection, une détection plus fine des émissions est importante pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir lutter contre les émissions? Alors effectivement, on a besoin de détecter pour en fait l'idée. Ce que fait Thomas au niveau du site, en fait, c'est de prendre la mesure dans l'atmosphère et d'en déduire la quantité émise à la source. Donc, de revenir d'une part au point source et d'autre part à la quantité émise. Donc, c'est double objectif. Donc là, Thomas, sur le site, effectivement, quand on regarde un panache très précis, on a le point source et puis avec des algorithmes et la modélisation du transport des masses d'air, on peut revenir à la quantité émise sur ce point source, donc sur des images très spécifiques. Et l'ambition, ce qui est fait aussi, c'est de faire cela à l'échelle mondiale, donc en utilisant soit les différents sites à la surface d'observation qui nous donnent des concentrations en différents points, ou de prendre un autre satellite. Utilisation d'un autre satellite qui donne aussi des colonnes, la quantité totale de méthane dans l'atmosphère, d'utiliser donc ces concentrations observées, de les comparer en fait à un modèle donc c'est un modèle qu'on appelle chimie-transport. Ce modèle de chimie-transport, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre en entrée une connaissance a priori des émissions, des différents types d'émissions, de leur localisation, de tous les types d'émissions de méthane. Il prend ça en entrée à la surface, il les transporte, on a le transport des masses d'air, c'est mélangé dans l'atmosphère, donc on a dit une durée de vie de 10 ans, du coup c'est assez bien mélangé dans l'atmosphère, ça va traverser un hémisphère, se passer d'un hémisphère nord à l'hémisphère sud, etc. Aller jusque dans la strato, etc. Donc ça va être tout mélangé, et il va simuler, notre modèle, des concentrations. Et donc l'idée, c'est que on a nos concentrations simulées, on a nos concentrations observées, donc soit à la surface, soit par satellite, on les compare. L'idée, c'est que va y avoir une différence, et cette différence, aux incertitudes près de notre observation et de notre transport dans le modèle, on l'attribue à une erreur sur les émissions. Et donc on va modifier nos émissions de façon incrémentale, de façon à ce que notre différence observation-simulation soit quasi nulle. Donc l'utilisation de ces concentrations dans l'atmosphère nous permet effectivement de corriger notre connaissance a priori des émissions. Donc on a besoin effectivement d'observations relativement précises, non biaisées. Et après, on a aussi besoin de modèles. Alors, ils ont leurs incertitudes, et c'est là où le bas blesse, en fait, pour revenir aux émissions. Pour terminer et pour conclure cette émission, en général, quand on traite le mercredi des questions de climat et d'environnement, les perspectives sont, il faut bien l'avouer, rarement très optimistes ou très réjouissantes. Or, pour ce qui est du méthane, on trouve pour le coup des déclarations qui sont assez franches, assez même pour le coup optimistes, et pas de n'importe qui, de l'ONU, qui selon lequel il serait possible de réduire non seulement rapidement, mais en assez grande quantité le taux de méthane de 30% d'ici 2030. Comment on fait pour réduire de 30% le méthane atmosphérique d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans et demi? Ouais, ça vient très vite, on y est en fait. Les solutions, on en a beaucoup, pour la plupart. Alors là, si je parle de gaz, pétrole, il y a une récupération, une diminution des lâchers. Donc là, il y a des mesures qui sont prises. Certains gouvernements, certains pays nous ont montré que c'est possible. Par exemple, dans l'étude, l'Arabie Saoudite, par exemple, est surprenante. Il y a très peu de fuites enregistrées par rapport au Turkménistan, à la Russie, aux États-Unis. Donc ça montre bien qu'il est capable aujourd'hui, on est tout à fait capable de produire du gaz à grande échelle, à gros volume, de faire des bénéfices sans avoir les émissions qui viennent avec. Dans l'agricole, il y a eu des révolutions à l'heure actuelle. Alors évidemment, on parle beaucoup de méthaniseurs, hein. C'est vraiment le moment. Beaucoup de décharges sont aussi maintenant avec des couvertures, des géotextiles, en espèce de bloquer les émissions. Évidemment, tout ça, ce sont des belles mesures. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été faits à la COP de Glasgow. On attend de voir, les recommandations viennent d'être faites par la Commission européenne et les Américains au niveau de leur agence de protection de l'environnement. Le Canada annonce aussi des mesures. Il va falloir maintenant que l'action vienne. Ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des régulations qui étaient mises en place. Par exemple, j'étais à l'époque du gaz de schiste aux États-Unis. Les régulations allaient venir. On héritait souvent de petites régulations et de peu de changements. Et souvent, c'est les prix du marché qui vont plutôt dicter la cadence de production et évidemment les émissions qui vont derrière. Dans le contexte à l'heure actuelle, alors là où on suit l'actualité qui est complètement liée au gaz naturel à l'heure actuelle. Ouais, avec le conflit ukrainien et l'approvisionnement de gaz russe via les... Exactement. Une des solutions secondaires, c'est l'approvisionnement en gaz liquéfié d'Amérique du Nord, où eux sont en capacité de produire et de fournir du gaz. Or, on sait que le gaz liquéfié est, en termes d'émissions, absolument pas rentable. En fait, c'est bien plus pire que d'amener du gaz par gazoduc. Donc, comment cela va être mis en place? Est-ce que les enjeux géopolitiques vont prendre le pas sur le climat? C'est souvent le cas. Donc oui, il existe des solutions aujourd'hui. J'espère qu'on les verra plus mises en œuvre. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est des recommandations, mais peu d'actions. Et les émissions augmentent chaque année, comme le disait Marielle plus tôt. Vous dites que paradoxalement, c'est presque plus les acteurs privés qui implémentent des solutions sur leur propre marché que les acteurs publics qui proposent et qui permettent de la régulation à grande échelle. Oui, ça c'est un peu un paradoxe dans le monde de la recherche. Pendant très longtemps, on a eu beaucoup de discussions avec les gouvernements, les régulateurs internationaux, que ce soit l'ONU, les commissions. On voit que la demande la plus forte et finalement la mise en place, à l'heure actuelle, en tout cas dans mon cas d'étude du gaz et du pétrole, vient des marchés financiers. C'est la demande des investisseurs qui pousse aujourd'hui des entreprises privées, alors là financées par des fonds américains comme le Rocky Mountain Institute, qui est un gros fonds d'investissement pour les startups en environnement, technologie, environnement, qui vont lancer leur propre mission satellitaire. Aujourd'hui, on a parlé de Merlin, mais en réalité, je pourrais en citer une dizaine qui sont des initiatives privées qui vont fournir des imageurs à haute résolution et qui vont aller cibler l'exploitation de gaz et de pétrole à travers le monde. Donc il y a une demande parce que les investisseurs veulent des labels. Alors label vert, qui est aussi un gros sujet de débat parce que le label vert, c'est très vaste, on met un peu ce qu'on veut, il n'y a pas beaucoup de réglementation. Il y a un début, on a vu la semaine dernière, je crois, il y a eu des labels qui ont été enlevés, c'est-à-dire que maintenant on commence à regarder, à creuser un petit peu plus. Mais il y a une demande des investisseurs pour avoir des labels et des preuves que leurs investissements sont des investissements d'énergie dite propre ou en énergie de transition. Voilà, donc c'est surprenant, mais aujourd'hui, de plus en plus, les financements viennent du monde du privé. Votre point de vue là-dessus sur les solutions pour réduire les émissions et pour les réduire de manière assez rapide. L'ONU pointe dans son rapport des solutions peu coûteuses, voire à coût négatif, donc ce serait presque finalement simple comme bonjour. Oui, effectivement. Alors, c'est peu coûteuse à coût négatif, c'est typiquement récupérer du gaz et le valoriser. Les gisements dans les exploitations d'hydrocarbures, etc., ou même sur faire du méthaniseur et effectivement récupérer ce gaz en tant qu'énergie. Donc il y a les solutions existent on dit effectivement que les solutions existent, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Sur le traitement des déchets, on sait effectivement qu'il ne faut pas laisser les décharges à ciel ouvert et qu'il y a des solutions différentes. Soit on met du géotextile, soit effectivement dans des cuves et on récupère aussi du gaz, etc. Donc les solutions existent. Et si on appliquait vraiment toutes ces solutions, alors oui, peut-être, on arriverait à atteindre ces diminutions de 30%, mais il faut les appliquer maintenant et partout, parce qu'on est peut-être un peu égocentré là sur notre monde un petit peu européen, mais il ne faut pas oublier l'ensemble de la planète. La récente décision, par exemple, de l'Union européenne de classer le gaz naturel dans la taxonomie verte, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne, c'est une mauvaise solution? Il faut plus investir. Je viens de lever un lièvre à 3 minutes de la fin. Non, un mot rapide, Thomas Lovo. Oui, un petit mot rapide. Il faut remettre l'énergie, le gaz naturel dans les sources d'énergie par rapport au charbon. Effectivement, c'est une bonne transition. C'était un argument qui a été amené énormément aux États-Unis. Il y a des effets un petit peu pervers. C'est que pendant qu'on est réinvesti dans le gaz de schiste, par exemple, ce qu'ils ont posé aux États-Unis, c'est des milliards de dollars qui étaient investis dans l'infrastructure. C'est des milliards qu'on n'investit pas dans les énergies vertes. Donc il y a des énergies finalement qui auraient pu être encore plus, mais en ce moment les investisseurs vont vers le gaz naturel parce que c'est la quantité et qui vaut très cher en plus sur le marché à l'heure actuelle. Donc attention, c'est toujours une échelle de valeur relative par rapport au charbon, oui, par rapport à d'autres énergies, non, on est loin évidemment d'un gaz propre. Et puis évidemment, il faut dire un mot de l'agriculture, une fois de plus, hein, 40% agriculture, riziculture, tout le monde évidemment, ça amuse beaucoup l'épée de vache, nos amis auditrices et auditeurs sur Twitter, mais néanmoins c'est une réalité, et c'est intéressant parce qu'on parlait des algues lundi, et nos camarades, et vos camarades qui étaient à ces places-là, parlaient d'une micro-algue rouge qui permettrait de réduire par 80% les émissions de méthane de l'élevage. Alors, il y a certainement quelque chose à faire globalement sur la quantité d'animaux en élevage qui est absolument astronomique. Je n'ai pas la quantité pour les bovins, mais enfin pour les poules, c'est 30 milliards de poules, il me semble, à minimum sur la planète. Est-ce que là, il y a des solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz dans l'agriculture, dans l'élevage ou dans la riziculture? Alors, dans la riziculture, dans la riziculture, effectivement, il y a la plus grosse partie du riz, elle est cultivée en inondation constante toute l'année. Il y a des études, et puis dans certaines régions, on n'inonde pas toute l'année, on inonde de façon intermittente, et ce type de culture permettrait de réduire les émissions de méthane, sans réduire le rendement. C'est aussi, on cherche aussi, voilà, dans l'agriculture, il y a la question du rendement et de nourrir quand même la population. Donc il y a des possibilités. Sur l'élevage, alors un petit peu plus compliqué que pour les énergies fossiles et réduire les fuites. Il y a des études sur effectivement. Alors, l'idée ce serait d'améliorer la productivité du bétail, donc pour avoir la même productivité avec moins d'émissions. D'autres solutions qu'on entend parfois, c'est de modifier un petit peu leur régime alimentaire avec des compléments qui permettraient de réduire les émissions de méthane. Et je vous reprends parce que c'est quand même rigolo. C'est pas les paix, c'est surtout les raux de vache. Voilà, pour les auditeurs, c'est important parce que pour leur repas de ce soir. Voilà. Il faut casser le mythe. Du coup, donc il y a des solutions, mais on en a parlé. L'agriculture, ça va rester le secteur dans lequel où ça va être le plus difficile. En termes de potentiel de réduction, effectivement, le premier dans les rapports des Nations Unies, c'est l'énergie fossile. Le deuxième, c'est les déchets. Et après, c'est l'agriculture. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Marielle Saunois. Merci Thomas Lovo d'être venu nous parler du méthane. Comme d'habitude, si vous voulez lire et bien compléter votre écoute de cette émission, nous avons posté tout un certain nombre de liens qui viennent préciser certains points qui ont été abordés au cours de cette émission. Et c'est sur notre fil Twitter, comme tous les jours, @laméthodefc. La méthode scientifique, eh bien, c'est comme chaque jour, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Abel Boucherka, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, avec aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi, décidément, à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr, et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.